J'ai donné de l'amour à des frères. Ils m'ont rendu mon cœur balafré. Je connais la rue et ses vices. Tu veux tenir ici, balance tes valeurs par la fenêtre. Monsieur l'agent, je fais du yaps. Y'a un peu de tension sur mes slaps. J'ai vendu le pilon mais jamais la zipette. Résidu marron sur mon schlaps. Ces temps-ci, je suis plus trop dehors. Laisse la cité en vue. Ah ouais, la musique, ça hala même. Je suis pas l'imam, je suis grand, moi je peux faire ce que j'ai envie. Allez, nique ta mère. Les gens de taf, il est temps de taper dans le mille. Tu crois j'ai 20 piges, hein. Je démarre la gova, j'arrive, faut que j'attends mon checkard dans la nuit comme un vampire, hein. Musqui au poids de corps, je porte tous mes péchés. Je cours vers les pesos, maillot jaune en tête du cortège. Où la tisse, mais il est hors pair. Père de TN ou de cortège. Je suis beau comme un diable et j'ai pas besoin de maille pour faire la meuf de tes rêves. Je peux serrer chanteuse ou bien actrice de cul. Mais je trouve ça sans intérêt. En un an, j'ai rempli un terrain. Je suis au studio comme sur le terrain. T'auras beau crier la rue, la rue, la rue. Regarde-moi dans les yeux, moi je suis serein. Je te connais pas, tu fais la seringue. Je te connais bien, tu me fais la seringue. T'as rien dans le crâne, quand tu passes une CRF, contente-toi d'une fellation, hein. Je pourrais rapper 20 minutes, ça serait donner du caviar au port. Même si je fais du yard, tu me verras pas débouler au check sur Camaro Sport. Attic! Comme un burali, je reviens dans ma cité comme un Avenger. Ma chérie, tu veux goûter à mes abdos si tes bosses te calument d'être sur mon calendrier. Dans mon 7-8, c'est la DEP. Et dans le 9-3, c'est les Batman. Tu veux faire un tête, tu dans le bâtiment. Je veux te faire danser comme un Batman. J'allouche pas sur la pista, dans ma poche. J'ai bossé dur, dur, dur. Pas comme ta petite soeur dans sa brush. J'suis dans le ciné, t'es chez le kiné. J'ai taffé tard, t'as pas idée. Fuck une miche ton cocaïné. J'me fais très bien une vainée. Si j'suis venu, j'sais pas inné. J'compte tellement diable que j'en ai de l'arthrose. Eh, Fombla, tu fais des chromes, tu joues les narcos. Foutre à ma trésorce, j'achète la manche, t'as qu'un salaire de backup. Toi, tu joues la mafia, Zarma, t'es dans le four, t'as pas un euro et on sait que t'as pas le backup. Non, écoute-moi bien, j'suis pas là pour jouer les porte-flingues, mais pour serrer des Rihanna validées par mes rappeurs préférés. Mais j'ai encore la dalle comme un piranha. Toi, t'ouvres trop ta grande bouche, parce que t'as des plats avant, mais chez toi, t'es carbo, ouais. Fils de pute, j'mets des buts comme Ronaldo, pendant que toi, tu mets des buts comme Michael Owen. Fils de. Si t'as rien pas get away, fils de M4A et t'as n'en get away. Fils de, j'me laisse la scène de Magic System. Fils de, j'me contente d'une level 1. Fils de, c'est pas la gamme qui fait le voyou. Internet m'a pas fait pousser des couilles. Depuis le début j'fais qu'encaisser des coups. Maintenant j'vais encaisser les sous. Et quitter mon sou, quitter mon sou, quitter mon sou. Quitter mon sou. Pourquoi tu rages, te prends pas du haut. C'est toi qui es en dessous. Attends.